nouveau départ, c'est un nouveau défi. Il n'est pas trop tard, mais j'ai bien compris que ce monde-là m'a rien apporté. Le temps d'y voir l'avenir contrôlé. J'ai bien essayé de rester chez moi, me retrancher où l'on ne cherche pas. Mais rien n'y fait, je n'ai plus envie. Depuis des années, je voudrais m'enfuir. Toujours plus haut, toujours plus loin. Un jour porter les rêves de chacun. Passer les nuages, briser les barrages. Vivre sur une étoile, faire ce grand voyage. Déplacer les frontières, ne plus être enfermé. De cette prison de verre, j'en avais assez. Alors je suis parti, loin de chez moi. Une autre galaxie, qu'on ne connaissait pas. Plus d'identité, plus de portes fermées. La vie s'ouvre à moi comme un nouveau-né. Je suis enfin libre, je ne regrette pas d'être parti vivre un jour là-bas. Toujours plus haut, toujours plus loin. Un jour porter les rêves de chacun. Passer les nuages, briser les barrages. Vivre sur une étoile, faire ce grand voyage. Perfection a eu raison de moi. Je suis condamné, alors pourquoi? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi tu n'y es pas? Idée réfléchie, le retour sur mes pas. Tant de fois j'ai voulu trouver le bonheur. Je ne sais même plus accepter l'erreur. J'ai tant désiré pour enfin délirer. Pour pouvoir respirer, fallait-il m'évader? Toujours plus haut, toujours plus loin. Un jour porter les rêves de chacun. Passer les nuages, briser les barrages. Vivre sur une étoile, faire ce grand voyage. N'était qu'un mirage, avais-je seulement rêvé de tourner la page? Si ce grand voyage n'était qu'un mirage, avais-je seulement rêvé de tourner la page?